Le comité préparatoire d'Haïti pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017 vient d'être constitué. Noé Steve, président de l'association culturelle Haïti-Corée, est élu président du comité.